Yowns of village, occasion most suspicious. Original combo, combo king. Roots maneuver alongside the super saiyan crew. Yeah, things are wild, baby, baby, baby. And they don't stop running, you hear me? Okay, pas un truc MC. Ouvre la porte aux dames, madame, chante, madame. Représente Marseille, ton bled, mon paname. Quand les autres tapent pour les, tu une, tu upe. J'rappe pour que les gens disent de moi comme Mike, j'en tue deux. S'il faut, les murs, je les rase. Y'a toujours plus fou que toi, plus naze. Une patate et du gros scrum. Teuse, si tu gazes, j'réponds que teuse. On vrai, t'as de quoi être jaloux. Tu nous entends partout jusqu'à dans ta zone. Hey yo, ma man, 30 ans, tu veux mon main. Le spécimen, si haut, même épais, si on aime des cimènes. En yellow man, boubou golem, 13ème, si overgame. Superman, nouva crème de la crème, c'est boubou et phoenixy, pas de phoenixy. On ne fait ni qu'est-ce qu'il y a, tu dis pas un, mais ne fixes tu. Pense qu'on n'est pas assez hardcore. Adidas tenue, garçon, t'es dans le tort. Do you want some more? Faut pas stresser, laisse faire ça, y'a tu veux du bon sang, faut pas hey, stresser. Hey yo, my man, don't just stress her and just squirm with your good self, big up your chest. Hey yo, my man, prends le temps, faut pas stresser, laisse faire ça, y'a tu veux du bon sang, faut pas stresser. L'instru qui t'a pris, fais oublier ton nom, ton blase, j'en ai oublié ta décision. Soldier move, soldier go. Back muscle twister. Slipping up Harry and off gal, forget kisser. Hot ball in the pack, speaking the bastard tongue. Got my back in this project, this ain't no snatch and run. Big plan in the place, headbanger bang in my head. We dip dive, we dodging all those Euro feds. This be culture, baby. Loose big vibe with the jet. Committed to the core of the core, self assured. I'm like, don't pause, we done sight the light. Your wagon is to get up in a paralyzed fight. Je suis en spoula, full souque. Je vous laisse un bout de souffle. Je me fous de tout, pas de coup de pouce. Sans le boy, ouvre la course. Boom, bidi, bye, bye, pas de bâti, bye, wood boy, c'est route. Ce sont le freestyle de ouf. L'album fou sorti du gouffre. Je balance des vraies phases qui déroulent. Ça n'est pas la peine de l'ouvrir, man, que nous saoule. LWD, R.O.I. Ça n'a pas de mic, c'est des phénomènes qui déroulent dès qu'il déboule. Ça n'a pas souffle, ima, commis, ta lyrical, typical crime. Pas de mille, pas de mille, man, y'en a d'elle. Hey yo, my man. Faut pas stresser, laisse faire ça, y'a tu veux du bon sang, faut pas hey, stresser. Hey yo, my man, just walk out with your good self. Don't stress nothing, just speak up your chest. Hey yo, my man, hold on. Faut pas stresser, laisse faire ça, y'a tu veux du bon sang, faut pas stresser. La truc qui tape qui fait oublier ton nom, ton blase, j'en ai oublié ta décision. Hey yo, my man. Je m'amène cause en perte et fracas. I am sick. Je suis pas stressé. Quiconque s'amène au max sans travailler son style et avec ça arrive au sommet est un gars trop pressé. Trop lentement, hey, trop rapidement. Tu voudrais atteindre le haut du bâtiment. Moi qui a pas de trimini qui s'y fait pas de taille. C'est Woodsman ou va Emmel Fly du Saiyan Super en freestyle. Madded off of music, my high grade improve it. I'm feeling it deep in my AK bound crevice. We can keep it football or we can go tennis. I'm acing new triggers, displacing new triggers. Should I never try stepping out, we space if you's a frigger. Figure me lying hard, but the meat ain't fast. On the Euro tunnel train, we bringing forth the pain. It's nobody sniff, nobody get hurt. It's the Super Saiyan and the sun on the outskirts. Hey, that joke, you bet you bon son, faut pas. Hey, yo, my man, go out with your good job. Don't just stress nothing, just speak. Hey yo, my man, hold on. Faut pas stresser, laisse faire ça. Y'a tu veux du bon sang, faut pas stresser. La ce qui t'a pris, fais oublier ton nom, ton blase. J'en ai oublié ta décision. I'm done telling a man, yeah. Original combo, combo ting. Audio, blender. Audio, blender. Never the pretender. Original, the wise offender. I'm in a stop sensor. Be up our parents, be up our. Oh, cool, no matter who's proud to come from. Yeah, an overcessor and a stock cessor. Yeah, we up the world, we up everybody, we up the kid.